Chapitre 2e. Comme nous l'avons dit, lorsque Roncobol vit que le navire allait infailliblement être jeté à la côte, toutes ses irrésolutions cessèrent. Il quitta son jeune compagnon, abandonna le pont, renversant tout sur son passage, et il descendit dans sa cabine, dont il enfonça la porte pour aller plus vite. Là, il s'empara de tous les objets de quelque valeur qu'il possédait. D'abord, les précieuses tablettes de Sir Williams, ensuite son portefeuille qui renfermait les titres de rente, enfin sa bourse qu'il attacha à sa ceinture. Puis, il se dépouilla d'une partie de ses vêtements, ne conservant que sa chemise et son pantalon, et il remonta sur le pont. Il ne voulait pas perdre de vue le jeune marin de la Compagnie des Indes. Le désordre, le tumulte, l'effroi étaient à leur comble sur le pont. Le capitaine lui-même commençait à perdre la tête. Poussé avec une rapidité que rien ne pouvait désormais plus maîtriser, le navire courait à la crête des lames comme un cheval furieux et libre de tout frein. Roncobol rejoignit le jeune marin. « C'est fini, » lui dit celui-ci. « Que voulez-vous dire ?»« Que dans une heure, peut-être avant, le navire aura sombré. » Et il étendit la main vers le sud, où un coin du ciel était moins noir. « Tenez, » dit-il, « la terre est là, à 2 ou 3 lieues peut-être. Aucune manœuvre n'arrêtera désormais l'élan du navire, et cette côte, vers laquelle nous courons, est bordée d'écueils à fleur d'eau sur lesquels nous irons certainement nous briser. » Le jeune marin n'acheva pas. Un choc épouvantable eut lieu, suivi d'un immense cri de désespoir et d'effroi. Le navire venait de toucher. « Allô, allô, les chaloupes à la mer !» Tels furent les deux cris qui retentirent tout aussitôt. Mais déjà Roncobol et son compagnon de hasard s'étaient jetés à l'eau et nageaient côte à côte. « Nous nous sauverons ensemble, nous périrons ensemble !» pensait Roncobol, qui était un rude nageur. « Je ne lâche point ainsi, mon marquis. » Ils nagèrent ainsi pendant 1 heure, luttant contre les vagues, au milieu d'une obscurité profonde, et entendant toujours les cris de détresse de l'équipage et des passagers qui abandonnaient un à un le navire. Enfin, si bon nageur qu'il fût, Roncobol commença à éprouver quelque lassitude. « Vous êtes fatigué ?» lui cria le jeune marin qui le sentait nager moins vite. « Oui, » dit Roncobol. « Courage, faites un effort. Nous ne sommes plus qu'à quelques bras d'une masse noire que je vois paraître et disparaître au-dessus des flots, selon que les vagues s'élèvent ou s'abaissent. « Est-ce la terre ?» demanda Roncobol, que ses forces abandonnaient de plus en plus. « Non, mais un rocher, un îlot, sur lequel nous pourrons nous reposer. » Tandis que le marin parlait ainsi, Roncobol se disait « Allons, mon bonhomme, il ne faut pas les sombrer comme un imbécile de navire qui touche au port. Songe que tu peux faire mieux qu'aller coucher au fond de l'eau, tu peux être marquis. » Cette dernière pensée fit franchir à Roncobol quelques brasses encore, mais cet effort fut le dernier. Malgré son énergie morale, il sentit ses membres se roidir l'un après l'autre, puis ses yeux se fermèrent. Il poussa un cri, et il commençait à s'enfoncer et à disparaître sous une vague lorsque le jeune marin, encore plein de force et de vigueur, et qui avait entendu son cri d'alarme, accourut à lui et le saisit par les cheveux. Mais déjà Roncobol était évanoui. Lorsque Roncobol revint à lui, son regard étonné rencontra l'ardente clarté du soleil. Aux ténèbres avait succédé le jour, à la tempête le calme. Il ne se débattait plus contre la mort. Il n'essayait plus d'échapper aux profondeurs béantes de l'océan. Non, il était couché sur un sable fin, et en se soulevant avec peine, il reconnut qu'il se trouvait sur un rocher en pleine mer, et seul. Comment se trouvait-il là ? Il eut d'abord quelque peine à rassembler ses souvenirs, mais enfin il se rappela. Il se rappela que pendant plusieurs heures, il avait énergiquement lutté contre la mort, nageant côte à côte avec le jeune officier de marine, puis que ses forces diminuant peu à peu et finissant par l'abandonner, il s'était cru mort, avait poussé un dernier cri, fermé les yeux et sentit sa tête disparaître sous une vague tandis que la conscience de son existence l'abandonnait. À partir de ce moment, Roncobol ne se souvenait plus de rien, sinon qu'il lui avait semblé qu'à ce moment suprême, ses cheveux subissaient une étreinte et une traction violente, mais c'était là son dernier souvenir. Cependant, il comprit tout sur le champ. Son compagnon d'infortune, plus rude nageur que lui, l'avait sauvé et était parvenu à le déposer sur ce rocher. Qu'était-il devenu lui-même ? Avait-il continué sa route vers la terre ? Roncobol le craignit un moment. Non qu'il fût épouvanté de se trouver seul sur un îlot de l'océan, mais parce que, avec la vie, ses instincts ambitieux et féroces lui étaient revenus. Échappé à la mort comme par miracle, déjà Rocambole reprenait son rêve d'ambition et d'avenir, et ce rêve reposait sur cet homme qu'il avait sauvé. Le jeune marin disparu, pour Rocambole, c'était la perte de ce fil conducteur qui, il l'avait audacieusement imaginé, devait lui rouvrir les portes du monde parisien. Il se leva avec peine, car il était brisé de fatigue et meurtri par les aspérités à fleur d'eau du récif auquel il avait dû se heurter plusieurs fois, tandis que son sauveur le traînait évanoui. Mais, une fois debout, il put marcher et faire quelques pas pour reconnaître tout à fait le lieu où il se trouvait. C'était un îlot d'un quart de lieue de circonférence, à peu de distance de la terre ferme, qu'on apercevait à l'horizon, se détachant sur le ciel bleu comme une étroite bande de brume. L'îlot était dépourvu de toute végétation et recouvert de coquillages et de moules sur les bords. Quelques oiseaux de mer, des mouettes, des cormorans, tourbillonnaient au-dessus, dans l'azur incommensurable du ciel. Rocambole fit le tour de l'îlot, reconnut avec désespoir qu'il était désert, et il allait demeurer convaincu que son compagnon d'infortune avait pu gagner la terre, lorsque la vue d'un objet luisant au soleil lui arracha un cri de surprise et de joie. C'était un étui en fer blanc, celui où, sans doute, le jeune officier de la Compagnie des Indes avait enfermé ses papiers. Auprès de l'étui, Rocambole aperçut d'autres objets également déposés sur le sable. C'étaient les pistolets que le marin met à sa ceinture en se jetant à l'eau, et cette ceinture elle-même. Évidemment, le compagnon de Rocambole n'avait pu se dessaisir de tout cela, et l'espoir revint à celui-ci qu'il n'avait point quitté l'îlot et dormait sans doute dans quelque anfractuosité du roc. Alors il se remit en route et continua ses investigations. Tout à coup, un bruit étranger au bruit confus de la mer se fit entendre et arriva, faible d'abord, puis plus distinct, aux oreilles du nouveau Robinson. C'était une voix humaine qui appelait à l'aide. Rocambole se dirigea vers l'endroit d'où partait cette voix et aperçut alors une sorte de crevasse du fond de laquelle montaient les plaintes qu'il avait entendues. C'était là que le jeune marin était tombé et Rocambole, s'avançant jusqu'à la crevasse, put l'apercevoir à 8 pieds de profondeur dans une sorte de cavité circulaire aux parois à pic et dépourvue de toute aspérité. « Ah !» lui cria-t-il en voyant Rocambole apparaître au bord de cet abîme en miniature. « Vous m'avez donc enfin entendu ?»« Oui, » répondit Rocambole. « Oui, mon sauveur, et je vais pouvoir, à mon tour. » Et Rocambole s'interrompit pour examiner attentivement le lieu où se trouvait le naufragé. C'était, nous venons de le dire, une de ces cavités comme la mer en creuse souvent dans les rochers qu'elle bat éternellement de sa lame. Un peu de mousse en recouvrait l'étroit orifice, et le marin y était tombé en voulant faire le tour de l'îlot et chercher à l'horizon à découvrir une voile quelconque. Puis, comme le trou était creusé en manière d'entonnoir renversé, par conséquent plus large au fond qu'à l'orifice, le jeune homme avait essayé vainement d'en sortir et n'était parvenu qu'à déchirer inutilement ses genoux, ses mains et ses ongles qui glissaient sur le roc poli. « Oh !» pensa Rocambole, « est-ce que le hasard serait décidément mon esclave ?»« J'ai vu passer un navire au large ce matin, » lui dit son compagnon. « Vous dormiez, épuisé, et je m'étais couché près de vous. Alors je me suis mis à courir, agitant les mains et appelant. Dans ma précipitation à gagner l'extrémité de ce récif, que le navire semblait vouloir doubler, j'ai fait un faux pas, et je suis tombé dans ce trou, où je serais certainement mort de faim, si vous ne m'aviez entendu. « Heureusement, » dit Rocambole, « me voilà. Mais, ajouta-t-il, comment vous en tirer? Si je saute auprès de vous, nous ne pourrons remonter ni l'un ni l'autre. » Et je crains d'être trop faible encore pour pouvoir me pencher, vous tendre la main, afin de vous hisser jusqu'au bord. À 20 pas de l'endroit où je vous ai déposé cette nuit, répondit le jeune homme, vous trouverez mes pistolets et auprès d'eux ma ceinture et mon étui à papier. Ma ceinture est en poil de chèvre du Tibet. Elle a 8 pieds de longueur et fait 5 fois le tour de mon corps. Elle est solide et ne cassera pas. Je vais la chercher, dit Rocambole, dont en ce moment une idée infernale traversait le cerveau. Vous me jetterez un débout, acheva le jeune marin, et vous tâcherez de fixer l'autre hors du trou, à quelque anfractuosité du rocher. Oui, oui, je cours. » Et Rocambole disparut. Notre héros se vantait en prétendant courir. Il était trop faible et trop exténué pour cela. mais il se dirigea aussi rapidement qu'il le put vers le lieu désigné par le marin, et où en effet il avait aperçu les objets mentionnés. Or, pendant le trajet, Rocambole se fit ce beau raisonnement. « Évidemment, si je ne tire pas mon homme de là, il ne s'en tirera jamais tout seul. Voici un rocher où bien certainement une barque de pêche n'aborde pas tous les mois. Si j'étais assez fort tout à l'heure pour me rejeter à la nage et gagner la terre avec l'étui de fer blanc, je pourrais bien être marquis avant 24 heures. Un marquis sérieux, avec de bons parchemins et 75 000 livres de rente. Et puis en fin de compte, ce n'est pas moi qui ai jeté ce jeune homme dans un trou, et je ne suis point obligé de l'en tirer. Et d'ailleurs, je suis si faible moi-même, je me serais évanoui de nouveau en allant chercher la ceinture en poil de chèvre. Allons, Rocambole, mon ami, pas de biguelerie, s'il vous plaît. Et puisque l'occasion de devenir un vrai marquis se présente, bah, profites-en sans scrupule. Il est vrai que ce pauvre marquis de 3 étoiles m'a empêché de me noyer cette nuit. Que sans lui, j'aurais déjà servi de déjeuner à un marsouin. Et bien certainement, à ma place, un philanthrope emploierait tous ses efforts à retirer son sauveur de l'embarras. Mais je suis philosophe, moi, et je suis convaincu que la Providence avait ses vues secrètes en poussant ce jeune homme à me sauver. Elle a voulu sans doute en faire un saint et ajouter son nom au martyrologe. Après cette réflexion impie, Rocambole s'assit sur le sable auprès des objets dont le jeune marin s'était dessaisi un moment pour courir plus vite. Puis il s'empara de l'étui de fer blanc, l'ouvrit, et en laissa échapper les papiers qu'il contenait. Après quoi il se mit à les examiner tranquillement l'un après l'autre. Le premier qui frappa ses regards fut une commission d'enseigne de vaisseau au service de la Compagnie des Indes, au nom de Frédéric Albert Honoré de Chamery, né à Paris le 15 juillet 1800 et quelques, et âgé de 28 ans révolus. « Très bien, » pensa Rocambole, après avoir pris connaissance de cette pièce. « Nous savons à présent que nous nous appelons Frédéric de Chamery et que nous avons servi aux Indes. Continuons à nous instruire. » Une lettre, dont la suscription était d'une écriture fine, allongée et trahissant une main de femme, attira sur le champ l'attention de Rocambole. La lettre commençait par ces mots. « Mon cher fils, » elle finissait par ceci, « marquise de Chamery. »« Ma parole d'honneur, » murmura le hardi aventurier. « Sir Williams ne nous avait pas trompés dans ses tablettes. Ma mère est bien réellement marquise. » Et il lut au bas de la signature « Rue Vanneau, 27, en mon hôtel. »« Parbleu !» continua-t-il. « Sir Williams s'est donné bien inutilement la peine d'écrire ses noms et ses numéros dans une langue inconnue. » Et Rocambole se mit à lire cette lettre d'une mère à son fils. « Mon cher fils, » disait la marquise de Chamery au jeune enseigne de vaisseau, « voici 16 années que vous m'avez été enlevé. » Et c'est hier seulement que j'ai appris au lit de mort de votre père ce que vous étiez devenu. Monsieur le marquis de Chamery est mort cette nuit en me suppliant de vous faire chercher par le monde entier, moi qui vous croyais mort et pleurais mon fils depuis 16 années. J'adresse cette lettre à l'amirauté anglaise dans l'espoir qu'elle vous parviendra tôt ou tard et que vous accourrez vous jeter dans les bras de votre mère et de votre sœur, selon le vœu de votre père, qui à sa dernière heure s'est repenti de son injuste rigueur. Ce n'est qu'à ce moment suprême, mon cher enfant, que j'ai eu enfin le dernier mot de la conduite étrange de votre père. Il y a 16 années que monsieur le marquis de Chamery habitait une mansarde dans les combles de l'hôtel. Il ne m'adressait jamais la parole et me faisait payer par notre intendant une pension de 100 louis par an. Mes larmes, mes prières, n'avaient jamais pu triompher de son silence, et je lui ai vainement demandé, jusqu'à son dernier jour, quel pouvait être le mobile de ce genre de vie si extraordinaire. Pendant 16 années, monsieur de Chamery et moi, nous avons été les époux les mieux unis aux yeux du monde. Jamais, dans l'intimité, nous avons échangé un seul mot, jamais il n'a mis un baiser sur le front de votre sœur. Votre sœur et moi, nous l'avons cru longtemps atteint de folie. Hier, hélas, nous avons eu le secret de cet horrible mystère. Ce secret, mon cher enfant, le voici. Monsieur de Chamery, votre père, n'avait il y a 30 ans d'autre fortune que 1000 écus de rente et ses épaulettes de colonel de hussards. Il était mon parent éloigné, j'étais également sans fortune, mais nous nous aimions et il m'épousa. Vous fûtes le premier fruit de notre amour. Vous aviez 5 ans lorsque la situation de votre père changea brusquement. Le marquis de Chamery, son cousin, chef de la branche aînée de sa famille et riche à 100 000 livres de rente, se fit tuer en duel. Le marquis Hector de Chamry avait 30 ans, un caractère fougueux, dominateur, impatient. Il était imbu des principes légers de notre siècle et faisait assez bon marché de la vertu et de l'honneur des femmes. Le marquis était garçon et vivait chez sa mère. Madame de Chamry habitait l'été un château situé aux environs de Blois et qu'on nommait l'Orangerie. Quelques années après notre mariage et quelques mois avant la mort du marquis Hector de Chamry, votre père fut désigné pour faire partie de l'expédition d'Alger, et ne voulant point me laisser à Paris toute seule, il me confia à la marquise de Chamry sa parente. Je passai donc à l'Orangerie la fin de l'été et l'automne de l'année 1830. Hector de Chamry s'éprit pour moi d'une passion non moins violente que coupable, et il me fallut tout l'amour que j'avais voué à votre père pour résister aux obsessions, aux persécutions du marquis. Heureusement, mon cher fils, votre père revint. La révolution de juillet ne lui permettait pas de rester au service. Il avait donné sa démission et voulait demeurer fidèle à son drapeau. Il arriva à l'Orangerie un soir et me dit en m'embrassant « Ma chère enfant, nous sommes pauvres, très pauvres même. Mais comme il faut que nous élevions notre fils, vous ne rougirez point d'apprendre que j'ai accepté un emploi dans l'industrie. Je suis régisseur de mines considérables qu'une compagnie va exploiter dans les Vosges. » « J'irai où vous voudrez, » répondis-je avec joie. Nous quittâmes l'Orangerie le lendemain, au grand désespoir du marquis Hector de Chamry, qui 2 jours auparavant m'avait menacé de se brûler la cervelle. 3 mois après, tandis que votre père et moi nous nous installions dans une petite ville des Vosges, le marquis eut une sorte de querelle à Paris sur le boulevard, se battit, eut le poumon traversé d'un coup d'épée et mourut après 8 jours d'horribles souffrances. Mais il avait eu le temps de faire un testament. Et par ce testament, il instituait votre père son légataire universel au détriment. C'est hier seulement que je l'appris, d'une sœur de la main gauche dont nous ignorions l'existence et de laquelle il faut bien que je vous parle pour que vous puissiez comprendre l'abominable conduite de la vieille marquise de Chamry. Madame de Chamry demeurait veuve à 27 ans. N'ayant alors d'autre enfant que le jeune Hector, âgé de 3 ans, ne s'était point remariée, car une clause du testament de son époux défunt la privait dans ce cas de la tutelle, et en outre de la jouissance de la moitié de la fortune de son fils. Mais la marquise avait commis une faute. Une jolie petite fille, élevée en cachette d'abord, puis introduite au château de l'Orangerie comme une orpheline, parente éloignée, avait bientôt concentré sur sa tête toutes les affections de la marquise, tandis que le jeune Hector de Chamry, à qui le secret de sa mère était connu, vouait une haine implacable à cet enfant du déshonneur. Aussi, le marquis Hector de Chamry, instituant votre père son légataire universel, au détriment de sa sœur naturelle, souleva-t-il contre nous des tempêtes de haine dans le cœur de sa mère. Maintenant, vous comprendrez, mon cher enfant, l'atroce vengeance de cette femme. La fatalité voulut que 3 mois après la mort du marquis, je devinsse mère de votre sœur. 5 ans après, vous aviez alors 10 ans, la marquise douairière de Chamry mourut dans sa terre de l'Orangerie. Votre père, devenu marquis de Chamry, partit sur le champ pour aller lui rendre les derniers devoirs et prendre possession de cette portion de sa fortune dont Hector de Chamry avait laissé la jouissance à sa mère. « Corbleu !» murmura Rocambole, interrompant la lecture de cette lettre. « Voici une histoire qui est des plus intéressantes. » Et il continua à lire.